Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, les élections municipales à Marseille. En dehors des villages et des petites communes où il est parfois difficile de trouver des volontaires, dans les grandes villes en revanche, le mandat de maire est très prisé. Pour preuve, un certain nombre de nos ministres sont candidats. Édouard Philippe, le premier d'entre eux, se présente au Havre. Gérard Darmanin, secrétaire d'État au budget, tête de liste à Tourcoing. Et le ministre de la Culture, Franck Riester, se présente à Coulommiers. Mais pourquoi vouloir être maire et circonscrire son pouvoir et sa notoriété au périmètre d'une seule ville? Et pourtant, dans le cadre de la loi sur le non-cumul de mandats, quand il a fallu arbitrer entre la fonction de député et celle de maire, nombre de ténors de la politique ont préféré rester dans leur ville, oui, que de siéger à l'Assemblée ou au gouvernement. À une époque où ce n'est pas toujours l'idylle pour nos édiles, le fauteuil de maire attire toujours autant, surtout dans les grandes villes. Les élections municipales de 2014 à Marseille en sont à la fois une illustration et une preuve. Que d'énergie déployée pour accéder au grand bureau de l'hôtel de ville. Notre invité aujourd'hui, le journaliste Philippe Pujol, spécialiste de Marseille et de sa vie politique, lauréat du prix Albert Londres en 2014 pour sa série d'articles « Quartier shit » sur les quartiers nord de Marseille. Il vient de publier au Seuil un nouveau livre, le livre intitulé « La chute du monstre, Marseille, année zéro ». Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Bertrand Rotet, coordination Christophe Barrère, réalisation Benjamin Riquet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Nous sommes fin 2013. François Hollande ne doit pas être très à l'aise. L'année a été catastrophique. Dès le lendemain de son élection en 2012, la presse lui savonne la planche, lui reprochant de ne pas être assez présent sur la scène politique et médiatique, alors qu'elle reprochait le contraire à son prédécesseur à l'Élysée, Nicolas Sarkozy. Sur le plan social, ce n'est pas mieux. Fin janvier, Goodyear annonce la fermeture de son usine à Amiens. 1200 licenciements dans une région déjà sinistrée, une catastrophe. D'autant plus importante que pendant sa campagne électorale, à Amiens, sur le parking du troisième fabricant mondial de pneus, François Hollande s'était engagé à lutter contre les licenciements boursiers. Accusé d'être l'incarnation d'une gauche molle, François Hollande s'affiche avec des ouvriers qui défendent une ligne dure. Depuis des années, la CGT lutte contre un plan social prévoyant 817 suppressions d'emplois. Un licenciement pour un seul but boursier, il faut qu'il y ait la saisine d'un tribunal qui puisse suspendre ce plan et obliger l'entreprise, obliger le groupe à revenir dans la négociation et dans la discussion avec les salariés. L'État peut fixer les règles. Cette proposition est devenue la 35e de ses engagements pour la France. Alors, en cet hiver 2013, les ouvriers se sentent trahis. On a tous voté pour lui, il nous a bien baisés, lâche un salarié, promettant de tout brûler. De fait, tout comme son prédécesseur de droite à l'Élysée, Nicolas Sarkozy, qui ne s'est pas attaqué au totem de la gauche, les 35 heures par exemple, comme prenant un malin plaisir à ne pas mettre en place les mesures réclamées par ses électeurs, François Hollande joue la même partition contre les électeurs de gauche. Sa politique n'apparaît même plus social-démocrate, mais social-libérale. En octobre, en Bretagne, la pression des bonnets rouges oblige le gouvernement à revenir sur l'écotaxe. Dans cette terre électorale du PS, une troupe de marins, d'ouvriers, de paysans se retrouve dans la rue pour protester contre cette mesure fiscale, mais aussi en réaction à de nombreux plans sociaux. Et ce n'est pas tout. S'attend également sur le terrain ô combien important des faits de société. Au printemps, voici la manif pour tous qui nargue le gouvernement. Entre 450 000 et 1 million de manifestants défilent contre cette mesure du quinquennat qui s'inscrira dans l'histoire comme un progrès majeur en termes d'émancipation et de liberté. Mais la droite en Loden se regroupe autour de Frigide Barjot, l'une de ses porte-paroles. Les conservateurs, la droite et les catholiques retrouvent de l'allant défendant l'institution du mariage qu'ils pensent menacée dès lors qu'on l'accorde aux homosexuels. Et puis arrive la catastrophe. La pire de toutes pour le quinquennat Hollande. La trahison absolue, l'épisode mortifère pour la gauche. Un ministre du budget, socialiste, planque son fric à l'étranger. Et là, ce sont tous les repères qui s'écroulent. Un ministre du budget soupçonné d'évasion fiscale, ça n'est pas rien. Jérôme Cahuzac a-t-il possédé un temps un compte en Suisse? C'est ce qu'affirme toujours Mediapart, le site d'information en ligne contre lequel le ministre du budget devait porter plainte aujourd'hui pour diffamation. Mediapart qui assure posséder des preuves faites de témoignages et d'éléments documentaires probants selon lesquels Jérôme Cahuzac a possédé ce compte non déclaré à l'UBS pendant plusieurs années en Suisse avant de le clôturer en 2010 et de le transférait dans la même banque à Singapour. Information délirante, a estimé ce matin l'élu socialiste du Lot-et-Garonne. Même chose cet après-midi à l'Assemblée. Je dément catégoriquement les allégations contenues sur le site Mediapart. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Je dément donc ces accusations et j'ai saisi la justice d'une plainte en diffamation, car ça n'est que devant la justice, hélas, que les accusateurs doivent prouver la réalité des allégations qu'ils avancent. Et c'est donc devant la justice que je m'expliquerai devant ces contradicteurs en attendant d'eux des éléments probants qui, à ce jour, font manifestement défaut. En mars, Cahuzac démissionne. Le 2 avril, il avoue. Immédiatement, il est mis en examen pour blanchiment d'argent provenant de la fraude fiscale. Voilà, et pour ne rien arranger, les relations au sein du gouvernement ne sont pas au top. En juillet, la ministre de l'écologie, Delphine Batho, se montre critique vis-à-vis du projet de loi de finances. Elle est démise par le président de la République. Et bientôt, la grogne va atteindre les députés PS qui restent attachés aux valeurs de leur famille politique. On les appellera les frondeurs. Ils donneront le coup de grâce au président Hollande. Mais déjà, la chute dans les sondages est vertigineuse. Le 24 avril, le gouvernement dégringole à 25% d'opinion favorable. Il ne reste plus au PS et au pouvoir que l'espoir ténu de renverser la table aux élections municipales de 2014. Dans cette logique, le PS rêve de reprendre la deuxième ville de France, Marseille. Oh oui, quelle belle prise ce serait, car telle est la règle, et pour tous les partis. Vous pouvez perdre un peu partout en France, mais si vous gagnez Paris, Marseille ou Lyon, surtout Paris, eh bien par effet de loupe, vous donnez l'impression que vous avez gagné les municipales. Marseille donc. Pour la première fois depuis 1981, le PS est arrivé en tête à la présidentielle de 2012. 50,87% des électeurs ont voté Hollande. Tous les espoirs sont donc permis pour les municipales. L'Élysée et Matignon ont choisi leur championne, Marie-Arlette Carlotti, ministre déléguée aux handicapés, celle qui a déjà fait tomber Renaud Muselier, l'espoir local de l'UMP, qui a passé sa vie à incarner l'espoir sans jamais décrocher la timbale. La mairie de Marseille, ville paradoxale sociologiquement à gauche, mais gouvernée par un maire de droite depuis 19 ans, l'indétrônable Jean-Claude Gaudin. En fait, la ville est coupée en deux. Pas loin des Calanques, au sud, vivent les populations aisées. Les vieilles familles partagent avec la haute administration une situation privilégiée entre plages et grands boulevards ombragés, dans un cadre, une qualité de vie exceptionnelle, genre le Roucase blanc. Au nord, les indicateurs sont en rouge vif. Dans deux arrondissements, le taux de non-diplômés dépasse les 40% et le chômage les 25%. Dans les années 60, les grands ensembles ont noyé les villages alentours. Construits à la va-vite pour recevoir les pieds noirs, ces quartiers sont devenus des zones de relégation. La ville est également synonyme de violence. Les règlements de compte entre dealers, petites frappes, ils sont fréquents. Ici, on se tue pour un bout de territoire, pour un mot mal compris, pour une dette impayée, voire pour un joint. Des comptes morbides se poursuivent à Marseille. Le 18e règlement de compte mortel de l'année s'est déroulé ce matin à 10h dans les quartiers nord. Un homme de 24 ans qui venait tout juste de monter dans un taxi a été atteint par plusieurs tirs d'armes automatiques, probablement une Kalachnikov. Il était connu de la justice pour des vols aggravés. C'est le 2e règlement de compte dans la cité phocéenne en 24 heures. Et puis très tôt ce matin, dans ces mêmes quartiers nord, une policière de la BAC de nuit, qui à un moment patrouillée est isolée de ses collègues, a été rouée de coups par des individus qui ont ensuite pris la fuite. Tout y est, les quartiers nord, une Kalachnikov, un cadavre et une police un peu perdue. Pourtant, l'espoir est là. La ville se transforme. Le 12 janvier, François Hollande s'y rend pour l'ouverture de Marseille, capitale européenne de la culture. Le 4 juin, il remet le couvert et inaugure le MUSEM, le nouveau musée de la ville. À 16h, le président de la République, François Hollande, découvre le MUSEM. Un musée national de 190 millions d'euros financé à hauteur de 150 par l'État. Le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée trône enfin comme un symbole à l'entrée du port de Marseille. Le MUCEM, c'est un projet original qui confond les disciplines. On y trouve l'anthropologie, l'histoire de l'art, la mythologie, la sociologie, la politique, l'antiquité voisine avec l'actualité. Les continents de toutes les époques sont ensemble rassemblés. Voilà pourquoi vous avez réalisé un équipement exceptionnel. Pour l'Élysée, c'est clair, il faut gagner la mairie de Marseille. Et à lire les chiffres, c'est jouable. Reste que la maison est déjà occupée par un locataire qui n'a pas son pareil pour renouveler ses baux. À 74 ans, certains le disent usé, fatigué. Mais Jean-Claude Godin reste un charmeur, un acteur. Cet amateur de bons mots, c'est le cas du Livre de la Jungle. Il vous regarde, il vous hypnotise, il fascine les gens, affirme Muselier, son ex-dauphin. Tout le monde lui reconnaît ses qualités, ami comme opposant, concurrent comme vassaux. Et puis il a le mal du métier. Il s'est construit très progressivement. 30 ans pour conquérir Marseille, ce n'est pas rien. En 1965, le Benjamin du conseil municipal est d'abord adjoint de Gaston Defer. En 1983, il se présente contre son allié de la veille, mais Defer l'emporte. Le vieux maire socialiste est aussi ministre de l'Intérieur, il a modifié le mode de scrutin, premier échec pour Godin, qui apprend, parce qu'il la veut, cette mairie. 6 ans plus tard, l'histoire repasse les plats. Nouvel échec, cette fois face à Robert Vigouroux. Et puis en 1995, victoire, enfin, et l'homme est toujours en poste. Alors, le secret de sa longévité? Eh bien, marcher sur deux pieds, on pourrait dire oui. Pour les élections, il compte sur les quartiers sud de la ville, ses bourgeois, comme il les appelle avec bonhomie et une pointe d'humour. Pour la gestion, eh bien, il collabore avec Force ouvrière territoriaux. Les promotions dans l'administration de la ville dépendent souvent, en effet, de l'appartenance au syndicat dont Jean-Claude Godin est membre d'honneur. En contrepartie, les 20 000 employés de la ville ont tendance à voter pour lui. Depuis, Jean-Claude Godin use de deux techniques imparables pour justifier la situation catastrophique de la ville. Premièrement, tout article négatif, c'est du Marseille bashing. Voilà. Deuxièmement, à Paris, l'administration centrale ou le gouvernement ne le traite pas équitablement. Extrait de cette complainte. Qui en plus est jaloux de Martine Aubry, la maire de Lille, qui elle vient d'obtenir des renforts policiers. Jean-Claude Godin avec Laurent Goria. Qu'est-ce que je souhaite, puisqu'on donne des effectifs de police, je le lis, ici ou là, dans d'autres villes de France. Tant mieux pour les maires de ces villes, mais moi, ce que je souhaite, et je le demande inlassablement, je le demandais sous Sarkozy, je le demande sous Hollande, que Marseille soit traitée avec justice, avec équité et avec efficacité. Voilà. Madame Aubry est très privilégiée par le gouvernement de la République, tant mieux pour elle. Moi, ce que je demande, c'est pour assurer la sécurité des Marseillaises et des Marseillais. Voilà ce que je peux répondre à Madame Aubry, qui, elle, a déjà encaissé l'argent nécessaire sur son stade à Lille, pendant que Marseille attend toujours la participation de l'État. Or, qu'on ne me donne pas des leçons, ni Martine Aubry, ni le Harlem Désir. Deux poids, deux mesures. C'est ce que je crois. Traduisez, les Parisiens et les socialistes n'aiment pas Marseille. Pour le reste, Godin a le cuir souple, mais ses adversaires savent qu'il faut se méfier de lui. Pour les plus indulgents, c'est un pragmatique. Ses convictions sont en effet assez réduites, avec une marotte, l'anticommunisme qui lui tient lieu de pensée globale. Alors, en 1986, pour devenir président du premier conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, il s'allie avec le FN. Ça vaudra toujours mieux que le Péril Rouge. Mais Jean-Claude Godin a une autre faille. Avec ses 74 ans, il joue sur des partitions d'un autre monde. Il garde les codes d'un militant du Centre National des Indépendants et Paysans, le parti d'Antoine Pinet, qui regroupait la droite non gaulliste à la sortie de la guerre. Il est très influencé par l'Église et il ne s'en cache pas. Dans un documentaire récent, il en riait. Quelquefois, on rigole à Marseille, on dit que Godin est aspergé d'eau bénite. Il s'arrête alors et reprend très calmement, sourire en coin. Ça n'a jamais fait de mal à personne, hein? Bien. On lui reproche aussi de jouer le Marseille des cartes postales, celui de Marcel Pagnol, un Marseille bonhomme, chaleureux, amical, truculent, cadre des films à succès, Taxi 1, 2, 3, jusqu'à 5, parce que la lumière y est exceptionnelle à Marseille. Tous les cinéastes vous le diront. Et puis c'est le cadre aussi du film Caïd, d'Ange Basterga, qui met en scène un jeune rappeur trafiquant de drogue. Revenons à Godin. Serait-il usé? Autrement dit, se présentera-t-il pour ses municipales en 2014? Il se réserve. Il hésite. Pour gagner, le PS a besoin d'un candidat capable de faire le poids devant le sortant. Pendant longtemps, Jean-Noël Guérini était l'homme de la situation. Sauf qu'il vient d'être mis en examen avec deux autres élus. Sur le papier, il avait tout pour lui, un ancrage, une aura, des réseaux de sénateurs et de présidents du Conseil Général. Et face à lui, rien ou presque, en tout cas une droite dévastée. Sur le papier, cela ne faisait pas un pli. Le futur maire de Marseille s'appelait Jean-Noël Guérini. Il avait échoué d'un cheveu aux dernières municipales et il allait mettre fin à une curiosité politique. Une ville sociologiquement à gauche, dirigée par un maire de droite depuis 18 ans. Bref, pour la gauche, c'était presque gagné d'avance. Pas même la peine d'appeler les Marseillais aux urnes, d'autant que face au candidat naturel du PS, il n'y avait personne. À force de faire le ménage autour de lui, le maire sortant, Jean-Claude Gaudin, se retrouve tout seul à la fin de son troisième mandat. Fatigué, il hésite même à se représenter de peur de jouer l'élection de trop. Mais voilà, la justice est passée par là. Jean-Noël Guérini est aujourd'hui KO debout. La dernière mise en examen est tombée hier dans une affaire de détournement de fonds publics. Il était déjà poursuivi pour association de malfaiteurs. Et c'est tout le PS local qui est éclaboussé. Son ancien collaborateur, aujourd'hui député socialiste, est lui aussi poursuivi, alors que pendant ce temps, une autre députée socialiste de Marseille, Sylvie Andrieux, est jugée en ce moment même, toujours et encore, pour détournement de fonds publics. À Paris, on prend peur et on met la Fédé sous tutelle. Évidemment, trois socialistes mis en examen, ça fait tâche. D'autant plus que c'est du lourd. Le président du Conseil Général des Bouches-du-Rhône et deux députés, dont le premier secrétaire de la Fédération Socialiste du département aux prises avec la justice, Jean-Claude Gaudin, peut dormir tranquille. Pour le PS, il est donc urgent de retrouver un nouveau leader. Si Paris a sa favorite, Anne Hidalgo, élue dans un fauteuil, celui de son mentor, Bertrand Delanoë, localement, comme à Marseille, d'autres aimeraient tenter leur chance. Alors, pour arbitrer, on décide d'organiser des primaires. Trois candidats sortent du lot. La favorite est la ministre déléguée aux handicapés, Marie-Arlette Carlotti. Le plus légitime est Patrick Mennucci, le chef de file de l'opposition locale, Jean-Claude Gaudin. La sénatrice Samia Ghali, elle, est une outsider de poids. Cette femme s'est fait remarquer en demandant que l'armée intervienne à Marseille pour lutter contre la délinquance. Au premier tour, la candidate du gouvernement est exclue, trop parisienne sûrement. Samia Ghali arrive en tête. Ses adversaires lui reprochent d'être allé chercher en minibus des électeurs dans les quartiers nord, mais ici la pratique est courante. Certains voudraient faire annuler l'élection, mais la haute autorité des primaires ne se moule pas. La pratique est moralement condamnable, mais pas juridiquement. C'est la pratique bien connue et de fait rarement condamnée de ce qu'on appelle le clientélisme. Pour le deuxième tour, quasiment tous les candidats demandent à leurs électeurs de voter Mennucci. Samia Ghali est battue, Mennucci sort vainqueur. Voilà, le candidat socialiste étant choisi, Jean-Claude Gaudin sort du bois et se porte candidat. La bataille promet. Et dans l'ombre, Guérini et sa bande tirent encore les ficelles à Marseille. Il faut se méfier des mises en examen. Oh Marseille, on dirait que ta voix a changé. On dirait que la carte où partait l'Indochine, en se prenant pour toi dans le riz délavé, te pleure avec du sang et puis l'âme marine. Oh Marseille, on dirait que la mer a pleuré tes mots, qui dans la rue se prenaient par la taille et qui n'ont plus la même ardeur à se percher aux lèvres de tes gens que la tristesse empaille. Oh Marseille, on dirait que Notre-Dame en fleurs s'est penchée dans le port pour boire à ton eau verte, qu'elle voyait briller comme brillent les pleurs aux yeux de tes marins que l'absinthe déserte. Oh Marseille, on dirait que le vent t'a vaincu dans la miséricorde où la vallée le traîne, et que de ce mistral qui glace ta vertu, il ne reste qu'un peu d'accent qui se promène. Oh Marseille, la vie a porté sur ton dos tout ce nord qui proteste en moquant la musique qui monte de ta gorge, accrochée à tes mots, les mêmes que là-haut dans les steppes plastiques. Oh Marseille, on dirait que flottent des drapeaux qu'une toile impudique a fauchés dans des voiles, et ces bateaux perdus qui croisent sous ta peau se souviennent de toi dans la gorge des squales. Oh Marseille, on dirait que les saisons se noient dans ton ciel portuaire où la lune s'affaire à compter les bateaux qui lui parlent de toi jusqu'aux galions perdus qui se croient nucléaires. Oh Marseille, on dirait que le peuple peuple, et le roi ne savait plus quoi dire et ne savait que faire quand bouillait la colère. Et 89 fois ils ont mis sur ton nom une chanson misère. Au Marseille on dirait que Shakespeare a l'accent, qu'il a quitté son Angleterre et ses manières, qu'il t'apporte une rose et Joliette dedans avec des Roméo grimpant des canebières. Au Marseille on dirait que le cœur te va bien comme te l'écrivait Guillaume Apollinaire. Ange frais débarqué à Marseille hier matin, on débarque toujours les amours passagères. Mais qu'importe ton ciel qui se prend pour l'Orient, qu'importe ton parler avec ces mots épiques, ces mots qui sortent faire un tour avec l'accent, ces mots qui ne sortent pas de Polytechnique. Oui mais quel mot Marseille. Oui, mais quel mot Marseille. Oui, mais quel mot Marseille. Quand tu y mets ta musique. Oh, oh. Affaire sensible, Fabrice Drouel. Dans une stratégie de rassemblement et pour optimiser ses chances, Patrick Minucci ouvre ses listes aux écologistes et aux membres du Modem qui sont prêts à être exclus du parti pour décrocher un strapontin. Jean-Luc Benagnas et Christophe Madrol se sont mis en congé du Modem. Ils emmènent avec eux 15 propositions sur l'écologie et la démocratie, la belle affaire. Parce que ça, personne n'est dupe. C'est bien évidemment de l'habillage. Ils apportent avec eux surtout des voix pour Patrick Minucci et pour eux des postes qui leur permettront de siéger et au conseil municipal et au conseil communautaire et surtout de ne pas disparaître complètement de la vie politique marseillaise. L'analyse de France 3 est sans concession. Patrick Minucci a affûté sa stratégie. Il se présente comme le candidat des ruptures. Rupture avec les pratiques de Godin, c'est-à-dire avec la co-gestion de la ville avec EFO, rupture avec le sous-investissement dans les quartiers d'or, mais aussi rupture avec les pratiques mafieuses de l'époque Guérini. Pour cette partie, l'exercice est difficile, car il faut faire oublier que Minucci était le directeur de campagne de Guérini, que c'est un ancien proche du mis en examen. Mais Patrick Minucci a plus d'un tour dans son sac. À la fin de la campagne, il a une idée. Il arrive à convaincre Laurence et Vincheschi de rejoindre sa liste. L'ancienne magistrate s'est fait connaître avec Eva Joly pendant l'affaire Elf Dumas. Elle s'est créée une image de sérieux et de probité. Minucci annonce qu'en cas de victoire, elle sera sa première adjointe. Reste trois problèmes. Dans l'ombre, Guérini s'irrite de cette campagne qui le marginalise. Alors, il soutient l'une de ses proches, une ex-socialiste qui décide de se présenter contre le PS dans le deuxième secteur de Marseille et qui a une forte légitimité, elle en est la mère sortante. Et puis la primaire a fait des dégâts, beaucoup d'ego ont été blessés. Marie-Hélène Carlotti ne se remet pas de sa défaite et condamne les méthodes clientélistes, je la cite, de Samia Ghali qui, elle, refuse d'applaudir le vainqueur, et crime de lèse-majesté, le soir de sa défaite, elle laisse ses supporters huer François Hollande. Ils se sont déchirés lors de la primaire socialiste. Aujourd'hui, ils se rabibochent, contraints et forcés. Patrick Minucci et Samia Ghali ont même fait campagne ensemble sur le terrain ce matin pour la première fois. Ils se sont retrouvés à la station de métro La Rose. Ça ne s'invente pas à Marseille, Olivier Martoc. La bousculade des grands jours. Une forêt de micros, de caméras. Les deux ex-adversaires de la primaire font un saut d'amabilité. Vous savez, avec Patrick, on se connaît quand même depuis assez longtemps. On peut s'engueuler, lui et moi, facilement. Mais on peut se réconcilier aussi facilement. Non, il est marié, je suis mariée, donc ça va. Mais pour autant, oui, un couple politique qui fait qu'on réussisse cette ville ensemble. Samia Ghali tourne la page des petites phrases assassines contre le gouvernement, Solferino, Minucci, du tous contre elle. La machine se met en marche, mollement. Ils savent tous que le seul moyen de gagner est de se réunir autour de Patrick Minucci. Alors, en traînant les pieds, ils se mettent à l'ouvrage. Pour finir, une liste menée par Papédiou fragilise le socialiste. L'ancien président de l'Olympique de Marseille a rassemblé autour de lui des candidats plutôt à gauche, donc il peut prendre des voix à Minucci. Jean-Claude Godin, lui, fait du Godin. Ses équipes connaissent parfaitement la musique. Tout en rondeur, il compte sur sa notoriété. Et il sait y faire. D'ailleurs, il aime ça. Il se déplace toujours avec une pointe d'humour en bandoulière. Les socialistes lui reprochent de copier leur programme, il répond par un sourire. Il sort un peu plus souvent de sa mairie, il arrive un peu plus tôt du Sénat où il a l'habitude de siéger 2 jours par semaine. C'est l'homme des campagnes de proximité, des sourires, des gentillesses qui touchent. Il sait que les Marseillais l'aiment bien et qu'il est difficile de renvoyer à la maison un maire sortant. Le premier tour est une catastrophe pour les listes PS qui terminent 3e. Jean-Claude Gaudin caracole en tête et le Front National dépasse Minucci de 3 points. Pourtant, le leader du PS y croit, même si en additionnant les électeurs du Front de Gauche et ceux de la liste de Papidiouf, il n'y arrivera pas. Alors sa chance? Eh bien, un taux de participation faible qui pourrait permettre de remotiver ses troupes et gagner parmi les abstentionnistes les quelques points qui lui manquent. Le Front National est donc le grand vainqueur de cette première phase du scrutin. Du reste, le vote FN a longtemps été une spécificité locale. À Marseille, pour les présidentielles de 88 et 2002, Jean-Marie Le Pen dépasse tous ses concurrents au premier tour. Le Sud-Est est l'un des bastions historiques du Front. Les pieds noirs, les anciens de l'OAS, sont remplacés par les artisans, les ouvriers, les techniciens et même les cadres des bastions industriels en déshérence. Le second tour consacre la défaite du PS, qui ne conserve qu'un des 8 secteurs de Marseille. Le FN, lui, en gagne 1. Et le grand gagnant des élections, c'est donc Jean-Claude Gaudin, qui contrôle 6 secteurs sur 10. De quoi jubiler. Pour le Conseil municipal, ça devrait donner 61 sièges. Pour la majorité Gaudin, j'en ai jamais eu autant. Au quartier général du perdant, les militants étaient effondrés hier soir. Patrick Minucci est sonné par sa défaite, un échec cuisant qu'il dit assumer personnellement. Je n'ai pas à rougir de la bataille que j'ai menée. Elle s'adressait à l'intelligence, d'autres se sont adressés, je dirais, à l'estomac. L'autre vainqueur, c'est Stéphane Ravier. Le leader du Front National a raflé un des bastions de la gauche, une mairie de 150 000 habitants. Ainsi, Jean-Claude Gaudin peut commencer son 4e mandat. Mais revenons à la question postulat de ce récit. Pourquoi tant d'énergie pour accéder à ce poste de maire? La première réponse se résume facilement. C'est l'envie de faire des choses, d'être concret, d'améliorer la vie des habitants. Le socialiste Jean Glavany, qui a connu toutes les fonctions, pense par exemple que c'est le mandat le plus valorisant. Il est vrai que la Constitution et les pratiques de la Ve République concèdent peu de pouvoir aux ministres, et encore moins aux députés. Puis, Bruxelles a de plus en plus de pouvoir et l'Élysée accapare le peu qui reste, rappelle l'ancien ministre de l'Agriculture. Alors, mieux vaut être maire. Car leur pouvoir est important, n'en déplaise à M. Gaudin. La situation de Marseille n'est pas due aux fonctionnaires nationaux incompétents ou au gouvernement d'opposition, mais aussi aux choix stratégiques locaux. Et certains diront à l'incompétence des maires qui s'y sont succédés. Dans ses pouvoirs, par exemple, le maire partage avec le préfet la responsabilité de l'ordre public. Il peut se doter d'une police municipale et éventuellement l'armée. Cela dit, Jean-Claude Gaudin a toujours traîné les pieds dans ce domaine. Le maire peut aussi créer, développer et supprimer les services municipaux. Celui de Marseille a décidé de co-gérer ses services avec FO Territorial. C'est son choix. Une co-gestion qui a très longtemps donné ce qu'on appelait le fini parti. Écoutez cet échange amusé entre une habitante et les éboueurs. Ici, chaque soir, ils sont une trentaine à prendre leur service pour traiter les déchets d'environ 100 000 habitants. 11 camions et leurs chauffeurs les attendent. Les tournées commencent à 21h. Ils ne rentreront qu'une fois le travail terminé. C'est ce qu'on appelle le fini parti. Fini parti. Je crois que la Cour des comptes a dit que ça faisait 3... Non mais ça fait combien d'heures par jour, elle a dit, la Cour des comptes? Vous travaillez 6 heures par jour en moyenne? Vous habitez dans le quartier? Là, je viens d'Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, on peut marcher sans regarder où on met les pieds. Dans cette ville, ça vous coûte une paire de chaussures. Non, mais je vous comprends, mais ça, c'est les gens qui sont sales, c'est pas nous. Des habitants excédés qui accusent un système, des salariés qui dénoncent de mauvais comportements, le fini parti n'est peut-être qu'un alibi. Et c'est une hérésie de faire croire aux Marseillais que la saleté de Marseille est due au fini parti. Il y a de nombreuses autres raisons, mais c'est pas le fini parti, même si on peut améliorer le travail. Récemment, le fini parti a été abandonné. Mais il y a plus important. Le maire décide également des travaux et gère le patrimoine communal. Cette fonction est fondamentale. D'ailleurs, il suffit d'avoir visité Le Havre avec Édouard Philippe pour comprendre. Cet immeuble, j'ai participé à sa réhabilitation. Puis, 100 mètres plus loin, celui-là, on l'a complètement transformé. C'est un hôtel, dit-il. Idem à Lille, chez Martine Aubry. Écoutons son premier adjoint. Martine Aubry veut à Lille que tout le monde puisse vivre ensemble. Chacun dans sa condition, elle n'est pas la même. Chacun dans son histoire et dans ses origines, elles ne sont pas les mêmes. Et nous ne voulons pas laisser croire que tout peut être égal. Nous voulons penser que chacun peut vivre ensemble, s'ouvrir ensemble et partager ensemble des espaces et donc le dialogue. Ce quartier-là est à l'image un peu de ce qu'est Martine Aubry. C'est Martine Aubry proche des gens. C'est-à-dire celle qui est attentive à tout le monde, attentive aux plus démunis, aux plus âmes de nos concitoyens, mais aussi à ceux qui font l'économie, la recherche ou l'enseignement. Nos maires peuvent être des bâtisseurs. Alain Juppé a complètement transformé la ville de Bordeaux. Et c'est sûrement là que Gaston Defferre et Jean-Claude Gaudin ont failli. Trop politiques, pas assez bâtisseurs. Trop préoccupés par la prochaine élection, obsédés par les jeux de pouvoir, experts dans l'art de gérer leur cour. Ils passent tous les deux pour d'excellents connaisseurs de la carte électorale. Un bon moyen d'être élu, à tous les coups, c'est vrai, mais est-ce suffisant? En tous les cas, c'est une faiblesse énorme quand on a la charge d'un patrimoine foncier vieillissant. Il y a d'autres raisons qui peuvent répondre à cette question. Pourquoi devenir maire? D'abord, cela garantit de la stabilité. C'est un mandat qu'on peut conserver, plus facile que conserver l'Élysée, en tout cas. Et regardons les chiffres. La liste est longue des maires aux carrières interminables, voire éternelles. Dans certains villages, c'est grand-père, père et fils. Dans les grandes villes, c'est plus compliqué, mais Jean-Claude Gaudin va quitter sa mairie à 81 ans, tout de même, au bout de 25 ans de mandature. À Bordeaux, Jacques Chaban-Delmas a régné pendant 47 ans et 8 mois sans discontinuer. Gaston Defferre a siégé Quai du Port pendant 33 ans, dans les mêmes conditions. Laurent Catala, le maire de Créteil, est en poste depuis 43 ans et il se présente pour un nouveau mandat. Le dernier, déclare-t-il main sur le cœur. À tel point que dans ce concours, Jacques Chirac passe pour un petit joueur. Seulement 18 ans à la tête du conseil municipal de Paris. Il est vrai qu'il avait d'autres ambitions. Et maintenant, comment explique-t-on cette longévité? Eh bien, il se trouve que les électeurs connaissent mieux leur maire que leur député. Or, il est plus difficile de virer quelqu'un qu'on connaît. À Marseille, Jean-Claude Gaudin a créé une relation forte avec ses électeurs. Son excellente mémoire lui permettait d'en identifier un certain nombre. Last but not least, tenir des grandes villes est pour les partis politiques un élément de régulation. C'est un point de chute important pour les élus. Et cela permet, dans les temps de basses eaux, de vagues roses ou bleues claires, centristes, de recaser les perdants, d'attendre des jours meilleurs. Et enfin, corollaire de notre question, pourquoi cette débauche d'énergie? Pourquoi ces primaires? Pourquoi Benucci a-t-il mis tant d'énergie dans cette campagne? Vous l'avez beaucoup à perdre, en fait. Pour une voiture avec chauffeur? Pour la rémunération? Peut-être en partie, mais ce n'est pas suffisant. Alors pourquoi Jean-Claude Gaudin a-t-il voulu conserver sa mairie après l'avoir tenue si longtemps? Beaucoup de questions, auxquelles vous penserez peut-être ce dimanche et le 15 mars prochain, lorsque vous vous rendrez, ou pas, aux urnes, citoyens. Calme d'après-mistral, tranquille comme un lendemain de bal, dans le polo et comme un saphir pâle, c'est sûr il fait beau. Bonne météo, sur le quai la ville attend les bateaux, comme à Noël on attend les cadeaux, comme des pesca la sirena, digo mi mumbeo, la sirena. Voy digo mi mumbeo, asti pesca la sirena, digo mi mumbeo. Ça se dispute cher, dans toutes les langues de la mer. Des poissons brillants comme l'éclair, tout le monde est chaud. Cherche le gros, oh, oh. Mais digo mi mumbeo, asti pesca la sirena. Digo mi mumbeo, la sirena. Voy digo mi mumbeo, asti pesca la sirena. Digo mi mumbeo. je saurais bien où aller la chercher. Je saurais bien avec quoi la pâter. Toucher le gros lot. On dit qu'elle est si belle qu'elle peut te donner le désir mortel de vouloir aller coucher avec elle tout au fond de l'eau. Ma digo mi mumbe, asti pesca la sirena. Digo mi mumbe, la sirena. Sireno, digo mi mumbe. Emporte ma chanson, ta barque file le doigt vers l'horizon. Doucement disparaissent les maisons, tout est calme et beau. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, un maire pour la bonne mère, pourrait-on dire comme ça. Un maire pour Marseille, dont nous allons parler avec notre invité, le journaliste Philippe Pujol. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à Aix-en-Provence, dans les studios de France Bleu Provence, spécialiste de Marseille et de sa vie politique, lauréat du prix Albert Londres en 2014 pour votre série d'articles « Quartier shit » sur les quartiers nord de Marseille. Et vous venez de publier au Seuil le livre intitulé « La chute du monstre, Marseille année zéro ». Quel est le sens de ce titre déjà ? Ben, le monstre, j'avais déjà fait la fabrique du monstre avant. Le monstre, ce sont tous les problèmes de notre démocratie qui à Marseille deviennent du clientélisme et voire de la corruption. Et ce monstre-là a engendré beaucoup de radicalisation, et pas des radicalisations religieuses, mais principalement politiques et délinquantes, avec un Front National très fort et une délinquance quand même assez présente. Et pourquoi la chute? Parce que c'est plus un espoir que qu'une certitude, année zéro, puisque de toute façon, après Gaudin, on repartira à zéro sur quelque chose. Oui. Alors, il ne vous a pas échappé que je suis un journaliste de Paris, comme des centaines et des milliers de mes confrères, et que pour parler de Marseille, finalement, il faudrait y vivre pour en parler savamment. Bon, c'est pas parce qu'on y vit pas qu'on n'a pas le droit d'en parler, mais tout ça pour vous dire, est-ce que Marseille souffre aujourd'hui de présupposés, d'idées reçues, ou est-ce que, par exemple, ce que vous venez de dire, et puis d'autres éléments, correspondent à la situation réelle de Marseille? Je veux dire, entre les idées reçues et la réalité, est-ce qu'il y a encore des différences? Bon, il y a de l'amour et de la haine pour Marseille de toute façon, d'un point de vue général. C'est-à-dire, il y a une fascination pour cette ville incontestable. Et il y en a qui l'adorent immédiatement, d'autres qui la détestent tout de suite. C'est une ville qui veut bien ça, puisqu'elle est excessive. Donc, quand on est excessif, on a ceux qui nous adorent et ceux qui nous détestent. Et donc, de temps en temps, on exagère un petit peu sur la réalité marseillaise. Mais il y a une autre réalité, c'est que c'est une ville méditerranéenne, avec toutes les qualités qui vont avec et les défauts qui vont avec. C'est une ville très pauvre, avec des fortes inégalité, et donc c'est une ville qui fonctionne comme un pays en voie de développement, qui est une ville qui est une sorte de quart-monde français, avec en plus de ce quart-monde-là, des quartiers extrêmement riches, puisqu'on a le quartier le plus riche de France, sorti des quartiers parisiens. Lequel donc, d'ailleurs, en l'occurrence ? À la Cadenelle. D'accord. Donc c'est dans le 8e arrondissement. Mm-hmm. Et donc là, par rapport à l'ISF, on a le premier quartier le plus riche de France, après Paris. Donc ça veut dire qu'il y a des inégalités énormes et ça prête à la caricature, surtout que le Marseillais lui-même, moi le premier, on a tendance à parler beaucoup et à ne pas cacher grand-chose, à être parfois excessif, ce qui fait que ça prête à être caricaturé derrière, mais au moins on sait ce qu'on a dans le cœur, quoi. C'est déjà bien, quoi, je trouve. Nous disions tout à l'heure dans le récit schématiquement qu'il y avait plutôt la partie sud riche, la partie nord qui l'est beaucoup moins. Je voudrais pas être trop schématique parce que quand on se balade dans la ville de Marseille, on passe au centre de Marseille de quartiers bourgeois riches, ça se voit, hein, les maisons sont belles, à des quartiers très populaires, et puis on se retrouve sur un autre quartier bourgeois. Est-ce qu'il y a un urbanisme, une sociologie différente à Marseille par rapport aux autres villes françaises? Ah oui, ça c'est sûr. Puisque Marseille, on a une topographie, une sociologie particulière. On a les quartiers les plus pauvres au centre, en plein centre. C'est ça, voilà, au centre, oui, absolument. Premier arrondissement, troisième, avant même les fameux quartiers nord. Hein. Mm-hmm. Donc là, c'est extrêmement pauvre, c'est extrêmement dégradé, et c'est là qu'il y a eu les effondrements des immeubles le 5 novembre 2018. On va y revenir, bien sûr, on va y revenir. Et donc, on a en effet une sociologie qui est... Bon, on a surtout de la misère à Marseille. Hein. On a un nombre de personnes sous le seuil de pauvreté incroyable. Et on a une classe moyenne qui est peu présente, finalement, pour la grande ville que c'est. Par contre, le côté nord-sud, le nord pauvre, le sud riche, oui, c'est vrai d'une manière générale, mais quand on commence à regarder de plus près, on est comme le yin et le yang, c'est-à-dire il y a aussi des îlots de richesse au sud, au nord, pardon, et des îlots de pauvreté au sud. Ouais. En tout cas, on a une ville qui est très dégradée, ça c'est certain, et en même temps très très belle parce qu'elle n'a pas subi ce que j'appelle les villes franchisées des autres villes, c'est-à-dire ces immeubles moches qu'on a partout, ces centres-villes gentrifiés, piétonnisés, sans vie, on n'a pas ça. Bon, on a pour autant beaucoup de travail, mais on a une possibilité à Marseille de faire quelque chose qui n'a pas existé encore en France, voire même en Europe. Alors, je parlais de la prime au maire sortant, la prime au sortant, pas forcément que pour les municipales, mais surtout pour les municipales. Mais enfin, la longévité de Jean-Claude Gaudin ne s'explique pas que par la prime au maire sortant. Quelle est donc la nature du lien qu'a établi et tissé Jean-Claude Gaudin avec les Marseillais ? Déjà, il a 130 ans de mandat cumulé depuis qu'il est en politique. C'est-à-dire que c'est une bête politique, c'est le dernier de son espèce en France. Il y a eu Fraisse, il y a eu Pasqua et quelques autres, mais c'est le dernier dinosaure de la politique. Et il pense politique, il dort politique uniquement, 98% politique, c'est lui qui le dit. Et donc il connaît tous les rouages. Ça veut pas dire que c'est un bon politicien dans le sens noble du terme, c'est-à-dire pour faire du bien à sa ville, mais en tout cas pour gagner des élections et pour réussir à faire quelque chose de très compliqué à Marseille, c'est-à-dire accorder tous les réseaux d'influence qui sont très nombreux et très anciens, il faut avoir une connaissance et un niveau politique extrêmement élevé. Et il a réussi quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il a réussi à séparer sa personne et son bilan. C'est-à-dire que on n'aime pas le bilan de Gaudin, mais on aime bien Gaudin quand même. Oui. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement fort. C'est lié à sa personnalité, qui a travaillé depuis des décennies, qui a évolué. Dans les années 80, c'était loin d'être un rigolo, c'était un type austère. Et fin des années 80, il a changé de style, et depuis, le maîtrise à la perfection. Alors, on évoquait, donc après ces élections municipales de 2014, c'est passé un certain nombre de choses à Marseille, et vous commencez votre livre par l'affaire du 5 novembre 2018, une catastrophe qui a marqué tout le monde. Ce jour-là, deux immeubles de la rue d'Aubagne à Marseille se sont effondrés, provoquant la mort de 8 personnes. Alors, vous êtes à Aix, Philippe Pujol, donc vous ne la voyez pas, je vous la présente à distance, Annaëlle Verzo, notre reporter. Bonjour Annaëlle. Bonjour. Eh bien, vous vous êtes intéressée aux suites de cette catastrophe. Oui, et il faut dire que c'est un énorme scandale. À Marseille, on estime qu'il y a plus de 4000 logements insalubres ou en péril, ce qui veut dire que un Marseillais sur 8 vit dans un logement délabré. Et après la catastrophe de la rue d'Aubagne, la mairie a été prise de panique et a pris près de 200 arrêtés de péril. Ça veut dire que 3000 à 4000 personnes ont été délogées. Oui. Et plus d'un an après, des centaines de familles attendent d'ailleurs toujours d'être relogées. Annaëlle, vous avez retrouvé quelques-unes de ces personnes délogées dans un café du centre-ville de Marseille, à côté de la rue d'Aubagne. Philippe Pujol, on écoute ce reportage ensemble, on en parle après. Bonjour, ma voisine. Dominique, vous avez été délogée. Vous faites partie des 3000 personnes. Alors moi, je dirais plutôt 3 à 4000 d'ailleurs. 3 à 4000 personnes. Oui, parce que ça continue en fait. Bon, moi, j'ai été délogé assez rapidement, 2 mois après les effondrements, quoi. J'avais signalé dès 2017 qu'il y avait vraiment des problèmes au sein de l'immeuble. C'était quoi les problèmes, des fissures ? Ben, plus que ça, c'est le fils de ma voisine du dessus qui est passé à travers le plancher. Voilà. C'est moi-même qui ai appelé les pompiers, donc ouais, j'étais en plein dans la scène. Le sol s'est effondré sous ses pieds, quoi. Il y avait des vrais désordres dans cet immeuble, un vrai danger d'effondrement. Mais il a fallu attendre 2 ans, il a fallu attendre l'effondrement des deux immeubles de la rue d'Aubagne pour que Dominique et ses voisines soient évacuées. Depuis, ils vont d'hôtel en hôtel. Et dans le groupe, seul Dominique a fini par trouver un logement provisoire par ses propres moyens. Ses voisines, elles, sont toujours à l'hôtel. Et c'est un peu difficile. J'ai 5 enfants, dont un enfant handicapé. Et là, qu'est-ce que vous attendez du coup ? Un logement définitif, propre, sain. Parce qu'ils me demandent de réintégrer un logement insalubre dans 1 mois. Dans la chambre de mes enfants, je ne peux même pas ouvrir la fenêtre parce qu'il y a des rats. On ne peut plus vivre comme ça. Il y a la pression de la mairie. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, la mairie oblige les gens qui ont été délogés à venir réintégrer leur ancien logement parce que, soi-disant, ils sont sécurisés. Franchement, les faire réintégrer un truc qui est dans cet état-là, c'est juste pas possible, quoi. Alors, est-ce que les travaux de rénovation ont vraiment été faits ? Je n'ai pas pu aller visiter tous les appartements concernés, bien sûr. Mais pour nous donner une idée, je suis allée chez Sylvie. Elle habite dans une rue perpendiculaire à la rue d'Aubagne. Après avoir été délogée, elle a été contrainte par la mairie de réinvestir l'appartement qu'elle louait. C'est le hall, ça ? Le hall de votre immeuble ? C'est très, très dégradé. Hein. Qu'est-ce que c'est, là ? Des caca de rats. On nettoie à chaque fois. C'est vous qui nettoyez les crottes de rats, là, dans l'escalier ? Ben oui, on a intérêt, parce que sinon, qui le fera ? Là, qu'est-ce que c'est ? C'est une sortie d'égout ? Voilà, c'est une sortie d'égout. Et là, c'est ouvert ? C'est carrément ouvert, complètement, et toute l'année, d'ailleurs. Il y a les déchets qui sortent de cet égout. Il n'y a ni plaque, ni rien. Là, visiblement, il n'y a aucun travaux qui a été fait, en tout cas dans le hall. Tout à fait, il n'y avait aucun travaux, à ma grande stupéfaction. On monte l'escalier. Oui. Donc là, vous habitez ici, au premier étage. Oui. Est-ce que des travaux ont été faits à l'intérieur ? Le minimum de travaux. Il y a des trous dans la douche, des trous dans le mur pour arriver à la cuisine. Et la tuyauterie, toujours, elle n'a jamais été refaite. Donc il y a des trous aussi maintenant dans les tuyaux pour les évacuations d'eau de la douche et de la cuisine. Et les rats les ont grignotés. Et les murs, on a l'impression qu'ils vont s'effondrer. Donc on se demande pourquoi les travaux n'ont pas été faits, engagés. Et qui prend la situation au sérieux ? On retourne au café. Le café de la petite place à côté de la rue d'Aubagne, avec les délogés et le collectif du 5 novembre. Et quand on contacte les élus, là, on est en pleine campagne. Cadra. Pour les municipales, et ben, chacun se lave les mains. Et le maire, Gaudin ? Ça fait 2 ans que j'ai déposé une demande, madame. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit qu'il n'avait pas de logement adapté. En fait, il s'en lave les mains, monsieur Gaudin. Vous aviez voté pour lui ? Non. Vous aviez voté ? J'ai voté, mais je n'ai pas voté pour monsieur Gaudin. Et en plus, même dans le bâtiment où il y a eu 8 morts, on a eu un élu qui louait. Votre prénom ? Zania, commission juridique. Du collectif du 5 novembre ? Exactement. On a des marchands de sommeil qui sont élus quand même dans cette ville. Et ils n'ont jamais été jugés. De toute façon, le premier qu'il faudrait juger, c'est Gaudin et sa clique. Bon, je crois qu'ils s'en foutent. C'est les gens qui ne votent pas, donc ils s'en foutent. Je veux dire que les pauvres, rien à foutre. Moi, je crois que c'est un mépris de classe, quoi. Et le 10 février dernier, on apprenait que l'époux d'une élue, la majorité, était propriétaire de logements insalubres, donc potentiellement dangereux. Philippe Pujol, comment expliquer cette situation de marchands de sommeil et d'immeubles insalubres et qui peuvent tuer ? Déjà, c'est une crise humanitaire de très grande importance. On n'en a pas pris la mesure au niveau national, au niveau local, oui. Mais c'est une crise humanitaire vraiment immense. C'est-à-dire que quand on se promène dans Marseille, il y a des immeubles qui peuvent s'effondrer un peu partout, en tout cas dans tout le centre-ville. Et donc, il y a une panique qui a baissé depuis le 5 novembre 2018, mais qui quand même perdure dès qu'il y a la moindre fissure, et il y en a un. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Ensuite, pourquoi on a laissé une telle paupérisation ? Au début, il y a eu une tentative, au début de l'arrivée de Jean-Claude Gaudin en 95, il y a eu une tentative de gentrification. Puis au bout de 3-4 ans, ils se rendent compte qu'ils n'y arriveront pas. Parce que pour gentrifier, il faut des emplois, et il faut avoir des services, des piscines, des écoles, des crèches. Comme il n'y a rien de tout ça, et qu'ils n'ont pas l'intention de se mettre à faire ça, ça coûte des sous, ils utilisent une autre technique, ils laissent paupériser, et il y a un business de la misère qui se fait dessus. C'est pas un hasard qu'il y ait des élus marchands de sommeil. Déjà, ceux qui se sont fait choper sont pas malins, il y en a qui se sont pas chopés, et il y a aussi toute une série de notables qu'on va retrouver sur les listes des uns et des autres, qu'on va retrouver dans les grands électeurs au moment où c'est nécessaire. On a toute une série de notables aussi qui possèdent des immeubles. En fait, il y a un business de la misère qui il est très varié, mais qui permet de faire des énormes plus-values. C'est arrivé il y a pas très longtemps à Bousquet, un ancien nageur qui est allé dans l'équipe Gaudin, qui avait acheté un immeuble pour rien à la mairie et qui l'a revendu derrière une fortune. Et voilà, il y a toute une série de choses, les marchands de sommeil, il y a tout un business de la misère. Le but étant à la fin que on détruise l'immeuble et qu'on fasse construire autre chose. Et ça, c'est l'autre phase. Oui. C'est la phase d'aseptisation de la ville, c'est-à-dire les copains du béton qui travaillent et qui aideront au moment des élections, ben font des immeubles moches, vite faits, mal faits, sans aucune contrainte municipale d'un point de vue architectural, Et c'est petit à petit, dans certains quartiers, comme la Caplette, comme Saint-Louis, il y a des quartiers dans Marseille qui petit à petit deviennent très très moches, fin des noyaux villageois et aseptisation totale. Et ça, pour moi, c'est plus que la gentrification, ce qui peut détruire l'âme marseillaise. Et ce problème, cette question, constitue-t-elle un thème fort de cette campagne électorale 2020 à Marseille? Bah, paradoxalement, il n'y a pas de thème dans cette campagne, puisque cette campagne est tellement farfelue à Marseille que on en est principalement à savoir qui est avec qui, pourquoi, qu'est-ce qui se passe. D'accord. Toutes les propagandes sont en place. En fait, il y a très peu de débats de fond. L'équipe Godin, donc c'est la suite de Godin, c'est Martine Vassal, la présidente du Conseil Général et de la Métropole, a une puissance de feu énorme et a tapissé la ville de son portrait, comme en Union Soviétique. Et il y a une machine de guerre qui est mise en place avec une force de propagande énorme. D'ailleurs, on peut regretter qu'au niveau national, il n'y ait pas de sondages qui sont faits par des journaux qui seraient neutres, et parce qu'à Marseille, ça ne fonctionnera pas. Et on n'a pas de campagnes qui sont sur le fond, puisque c'est pas que ça manque de fond, hein, c'est qu'on ne peut pas s'en emparer, puisqu'en permanence, on est dans des boules puantes qui sont envoyées plus que d'habitude et plus qu'ailleurs. À Paris, où la bataille politique et la bataille des égos est très forte aussi, hein, on peut dire qu'il y a un trépied de préoccupation. Les trois grands thèmes, c'est à Paris, c'est la mobilité, le logement et puis la santé, thématique adossée à celle de l'environnement. Évidemment, trois thèmes assez clairs, me semble-t-il. À Marseille, on ne retrouve pas ces mêmes problématiques, les mêmes grandes villes. Alors la gauche, on va dire le Printemps marseillais et Samy Hagali, eux sont sur le logement à coup sûr. Les Verts et le Printemps marseillais sont sur les déplacements et évidemment l'environnement. Et du côté de la droite, on est plus classiquement sur la sécurité et sur l'attractivité, ce faux Marseille qui est vendu depuis tant d'années, ce Marseille attractif, ce Marseille qui n'existe pas, qui est filmé par drone dans certaines émissions de télé. Et voilà, c'est chacun est sur ses thèmes habituels et personne n'écoute personne. De toute façon, Martine Vassal refuse tout débat, elle refuse totalement de discuter, d'aller dans toute radio, tout endroit. Et de l'autre côté, on se tape pas trop dessus parce qu'on espère s'unir au second tour. Donc ça donne une campagne vraiment bizarre, ça donne une campagne assez malsaine. Et c'est une campagne en plus isolée. J'ai l'impression que Marseille c'est un village et que personne ne regarde. Alors que si deuxième ville de France tout de même. Et oui, pourtant je trouve que voilà, zéro sondage depuis le début par un national, c'est dramatique. Quand on sait qu'on peut pas faire confiance aux locaux, c'est pas possible. Donc il faut absolument. Enfin, c'est trop tard maintenant. Mais ce pari a aspiré tous les regards, puis les affaires un peu olé olé ont attiré les regards. Donc à Marseille c'était peut-être moins marrant, mais plus violent et plus dramatique finalement, puisque on est en train de parler d'une ville qui s'effondre. Ça veut dire que vous ne pouvez pas dire, par exemple, qui apparaît comme favori, essayer de dessiner l'avenir là dans dimanche prochain et dimanche d'après. On peut pas du tout. Il n'y aura pas de majorité absolue. Ça paraît quasi sûr. Ouais. Et donc ça va être les jeux d'alliance. Et les jeux d'alliance, on peut s'attendre à tout, puisque là on n'est pas dans de la logique idéologique. On n'est pas sur du fond. On est sur des logiques qui va acheter qui. Alors la seule personne qui peut acheter qui que ce soit, c'est Martine Vassal, puisqu'elle a tous les pouvoirs. Mais de l'autre côté, est-ce qu'ils vont s'unir? Est-ce qu'il va y avoir des jeux de pouvoir? Enfin, on peut pas deviner, puisque même eux ne savent pas. On est dans l'indécision la plus totale, avec un Front National très fort, bien plus fort que ce qu'on dit généralement, et un Front National qui peut prendre 2 à 3 secteurs s'il n'y a pas d'union fait contre le Front National. Et donc ça, c'est aussi quelque chose d'effrayant qu'il faut regarder de près, quoi. Dernière question, quelle trace a laissé Gaston Defferre? Par exemple, il y avait un système Gaston Defferre, et on peut dire qu'il y a un système Jean-Claude Godin, ce sont les deux maires qui sont restés le plus longtemps dans la période, dans notre histoire récente, l'histoire récente de Marseille. Quelle trace a laissé Gaston Defferre et sa gouvernance? Alors là, c'est long ça, mais je vais faire court. Il nous reste une minute. Une minute, eh bien, Philippe. On va le faire en une minute et je vais y arriver. Ouais. Gaston Defferre, de toute façon, c'est celui qui a lancé la co-gestion avec Force Ouvrière. Mmh. Sauf que lui avait la main sur Force Ouvrière, puisque il venait de la résistance et il avait la population avec lui, la classe moyenne et les classes populaires avec lui, en tant qu'ancien résistant. Et donc, Force Ouvrière était un moyen de contrer la CGT à l'époque, donc les communistes qui étaient puissants. Quand Godin prend le pouvoir, lui, il a les bourgeois avec lui, mais il n'a pas la classe moyenne et pas la classe populaire. Donc, il se soumet à Force ouvrière, il laisse tout ce qu'il veut à Force ouvrière. Donc, il fait une cogestion, mais pas en ayant la main sur Force ouvrière, mais c'est Force ouvrière qui avait la main sur Gaudin. Donc, le système s'est inversé tout en se perdurant. Bien. Et alors j'ai encore 30 secondes. Quand on a appris le retrait de Jean-Claude Gaudin, c'est fini, il fera pas un cinquième tour. Comment ça a été ressenti à Marseille? Oh, c'est normal. Après, on a dit c'est normal. Ça, il a 80 ans. Oui, bon, et puis bon, il est malade, hein, c'est officiel. Il est malade, hein, aussi, malade, ouais, il a un cancer, puis il est fatigué, puis il n'est pas certain que les gens auraient voté massivement pour lui. Il vaut mieux finir en ayant gagné quand même. Donc, donc c'est normal de se retirer quand même là. Et puis c'est une page qui se tourne, quoi qu'il arrive, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il restera dans l'histoire de Marseille. C'est évident. Merci Philippe Pujol, ce sera le dernier mot. Merci de vos éclairages marseillais. Au revoir. Merci à vous. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les municipales à Marseille, émission que vous pouvez réécouter en podcast. Rendez-vous sur la page Affaires Sensibles ici de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. À la technique aujourd'hui, il y avait, et je l'en remercie, Loïc Frapsos.